On sait ses peurs et ses angoisses, où on s'en fait peur devant la place, où on voit du charme vraiment caché, où on se sent jamais, jamais cherché. Je t'offre mon âme, mais toi tu t'en fous, comme cette larme qui roule sur ta joue. Où on s'échangeait, regarde les mots, où on s'accroît tous, tous nos défauts, où on sent le cœur, et puis la main, où on fout des choses du lendemain. Et je t'offre mon âme, mais toi tu t'en fous, comme cette larme qui roule sur ta joue. Sentimental,